Exercice 5, page 140. A. Tu viens du Togo? B. Tu viens du Tibet? C. Tu viens d'Italie? D. Tu viens d'Australie? E. Tu viens de Tunisie? F. Tu viens de Thaïlande?